C'est tout petit dans mon KGB. C'est tout petit, oui c'est un trou de souris. C'est tout petit dans mon KGB. Tout rikiki, mon kiki, comme tous les trous de souris. Saperlipo, saperlipo, saperlipopette. Saperlipo, saperlipo, saperlipopette. Mais je me fais des châteaux dans ma tête. C'est tout petit, un petit bout de pain de mie. De pain perdu, pain rassis, il n'y a que ça par ici. C'est tout petit, un petit bout de pain de mie. Bien trop petit pour moi qui ai tant et tant d'appétit. Saperlipo, saperlipo, saperlipopette. Saperlipo, saperlipo, saperlipopette. Mais je me fais des festins dans ma tête. C'est tout petit, un cœur de souris. C'est tout petit, mais pardi, ça saute comme un cabri. C'est tout petit, un cœur de souris. Mais sans amis, quel ennui, ça se sent tout rabougri. Saperlipo, saperlipo, saperlipopette. Saperlipo, saperlipo, saperlipopette. Mais je me fais des copains dans ma tête. Tiens, l'autre jour par exemple, je me suis fait un nouveau copain, un éléphant à trois pattes. Et je lui ai dit: bonjour monsieur l'éléphant à trois pattes, qu'est-ce que vous m'avez apporté comme cadeau à manger? Des vers de terre, des pommes de terre, du camembert, du gruyère, de la charlotte au chocolat amer. Oh ça c'est chic monsieur l'éléphant à trois pattes, vous êtes vraiment un ami, parce que moi vous comprenez, la charlotte au chocolat, enfin le chocolat, oui. Alors là, le chocolat, oh, oh. Saperlipo, saperlipo, saperlipopette. Saperlipo, saperlipo, saperlipopette. Oui, je me fais des festins dans ma tête. Sacrée saperlipopette, quelle drôle de souris vous faites. Tu peux me tutoyer? Merci. Moi, j'habite au rez-de-chaussée. Je sais, c'est toi le lapin à ressort. Comment le savez-vous? Comment tu le sais, toi? Je sais tout, je vois tout, j'entends tout. Tout? Tout, je sais absolument tout sur tous les habitants de cet arbre. Premier étage, Pamela la grenouille, qui jamais ne se mouille. Deuxième étage, c'est Monsieur le Bourdon, l'empereur de Grognon. Troisième étage, le vieux colimaçon, qui sucre un peu les fraises. Quatrième étage... Moi, je ne connais personne. Personne ne me parle, personne ne m'invite. Moi non plus, personne ne m'invite. Mais moi, je m'invite quand même. J'entre chez les gens en douce et je récupère toutes les croûtes qui traînent. Tu ne manges que des croûtes, toi? Bien obligé, je n'ai rien d'autre à me mettre sous la dent. Et eux, tu les connais? Tes voisins de palier? Bien sûr! Messieurs les frères Pivert, bricoleurs d'étagères en tout genre! Je vais chez eux aussi! Et vas-y que je te scie une planche! Et vas-y que je te perce un mur! Sacré bricoleur! Oh, bricoleur de boucan, oui! Et aille donc!